faire le point sur sa vie. Avec face à soi rien d'autre qu'un profond désarroi. On retrouve alors des pensées que l'on croyait oubliées, des vestiges d'une mémoire profonde surgissant du passé. Les regrets remontant aussi vite que les années écoulées. L'envie de remettre en question tous les choix que l'on a fait devient si pressante que l'on ne sait comment y résister. Senteur taciturne.